Chapitre 10e, l'ombre. Le lendemain matin, Hutin se leva d'autant plus tôt qu'il s'était couché plus tard et qu'il avait mal dormi. Il avait besoin de respirer en plein air. Il était mécontent de lui. Il avait peur de s'être laissé prendre un piège. Personne ne savait la présence de ce brigand-là au Plessis, pensait-il en gesticulant sur son lit. On ne prévient pas les gens quand on va faire un mauvais coup. Il m'aura mis dedans. Pendant que je le tenais, je n'aurais pas dû le laisser échapper. Où le retrouver maintenant? Aura-t-il assez peur pour se tenir tranquille? Il s'accusait d'être un imbécile. Le bras est bon, disait-il, mais le coco. Et il se donnait de grands coups de poing sur le crâne. Quand il descendit, le crépuscule commençait à poindre. Le ciel jaunissait du côté du levant. Les coqs chantaient dans le poulailler, par les fenêtres de ventilation des étables et de la bergerie. On voyait sortir une buée blanche. Dans les écuries, les chevaux, réveillés par le matin, s'ébrouaient en faisant résonner leur stalle. Sur les tas d'ordures, les pierrots matineux s'étaient déjà abattus et ils picotaient en piaillant. Il alla au puits et se plongea la tête tout entière dans un seau d'eau. Il avait besoin de se rafraîchir. Tout à coup, il sembla entendre des voix étouffées. Il écouta. Il entendit aussi des pas. On semblait marcher légèrement, avec l'intention de ne pas faire de bruit. C'était dans le chemin devant la grande porte. Il se tint lui-même immobile, assis sur la margelle du puits. Bien certainement, il ne se trompait pas. On marchait et on causait. À part ailleurs, qu'est-ce que cela voulait dire? Ce n'étaient pas les gens du pays, il n'était pas encore l'heure. Et puis les gens du pays ne prenaient pas de précautions pour se cacher. Les bruits de pas se firent entendre en même temps du côté opposé, c'est-à-dire le long du mur sur la plaine. Puis il sembla à Hutin qu'on grattait ce mur comme si on voulait l'escalader. Il quitta vivement le puits et se blottit sous une voiture d'où il pouvait voir sans être vu. Le jour était venu, et quoique le soleil ne fût pas encore levé, il faisait une de ces belles aurores d'avril, plus lumineuses qu'un plein midi d'hiver. À peine était-il sous sa voiture qu'une tête parut au-dessus du chaperon du mur, puis, se penchant vers la plaine. « Personne de levé, » dit-il. « Le commissaire peut frapper à la porte. »« On vient m'arrêter, » pensa Hutin. « Le gueux m'aura dénoncé. Il faudra voir. » L'homme qui avait regardé se mit à califourchon sur le mur. Il était vêtu d'un paletot gris et d'un pantalon vert à la hussarde. Avec cela, une vraie face de mouchard. Il se retourna, se suspendit des deux mains au larmier, se laissa glisser dans la cour et rabota le mur avec la pointe de ses bottes pour rendre sa descente moins rapide. Il n'avait pas touché le sol, que Hutin était sur lui. Au même moment, on frappa fortement à la grande porte. En se sentant saisi, l'homme se jeta vivement de côté, mais il n'eut pas le temps de se mettre en garde. De sa botte ferrée, Hutin lui allongea sur la jambe un de ces formidables coups de pied qu'enseignent les professeurs de chaussons et qui cassent net lorsqu'ils rencontrent. L'homme fit un mouvement en avant, mais il ne put se tenir et tomba en poussant un cri. « Bon, crible à la grive, » dit Hutin, qui en face de la police était redevenu le forçat libéré. « Si t'es de la rousse à l'arnache, tu as toujours le fumon cassé, le quart d'œil ne me tient pas. » Et il s'élança par-dessus les brancards de la voiture. Son dessein était de traverser la maison et de se sauver par-dessus les murs du jardin. Une fois en pleine, il aurait bien peu de chance si, dans les seigles et les colzas déjà hauts, on le découvrait. Pour cela, il était obligé de contourner les étables et de passer devant la grande porte. Lorsqu'il arriva en face de cette porte, il vit le maître Chartier qui était en train de l'ouvrir. « N'ouvre pas » cria-t-il. Mais il était trop tard. La porte, à peine entrebâillée, le commissaire de police de Villeneuve, ceint de son écharpe, et que d'ailleurs Hutin connaissait bien, se glissa dans la cour. « Conduisez-moi à la chambre de M. Martel, » dit-il au Chartier, « et au nom de la loi que personne ne bouge. »« C'est le maître qu'ils veulent arrêter, » se dit Hutin. « Le gueux tient ses menaces. » Les mots formidables de « au nom de la loi » ne produisirent pas sur lui le même effet que sur le Chartier, qui restait stupide, regardait le commissaire, les agents et ne bougeait pas. Il les avait déjà entendus plus d'une fois, ces mots terribles. Ils avaient perdu le pouvoir de le paralyser. Il continua sa course, s'élança dans le passage qui faisait communiquer la cour avec le jardin, poussa les portes qui ordinairement restaient ouvertes, les barricada, et arrivé dans le jardin, se mit à lancer une volée de cailloux dans une des persiennes de la chambre où couchait Martel. Ce bombardement amena Martel immédiatement à la fenêtre. « Notre maître, dépêchez-vous » dit Hutin d'une voix étouffée. « On vient vous arrêter, ils sont en bas !» L'apparition de Hutin, sa disparition, la porte fermée au nez des agents, avaient jeté du désarroi parmi les gens de police. « Je n'ai pas la clé de la maison des maîtres, » dit le charretier, qui commençait à se remettre et à retrouver sa finesse de paysan pour ne compromettre personne, ni lui-même ni ses maîtres. « Comment entrer alors ? Dame, il faut frapper. » « On frappa, on refrappa. » « Le tour est heureusement manqué, » dit le commissaire à son principal agent. Ce fut Martel lui-même qui vint ouvrir. « Monsieur Martel, » dit le commissaire, « j'ai commission rogatoire de monsieur le juge d'instruction pour constater que vous vivez maritalement avec la demoiselle Armande de Kergomard, épouse de monsieur Maurice Berthaud, compositeur de musique, demeure à Londres, King George Street, résidant en ce moment à Paris, rue Lamartine, numéro 9. Veuillez me conduire à votre chambre. « C'est bien, monsieur, suivez-moi. »« Restez ici, » dit le commissaire à son monde. Dans l'escalier, il s'arrêta. Il avait dîné plusieurs fois au Plessis et n'avait jamais eu que les meilleurs rapports avec Martel. « Voilà une mission qui m'est bien pénible, » dit-il. « Mais nous appartenons à la loi. » Armande s'est élevée. Elle se tenait au haut de l'escalier tremblante et confuse. Martel courut à elle. « N'aie pas peur, ce n'est rien, une simple constatation. » Le commissaire la salua poliment et s'adressant à Martel à voix basse. « Si madame voulait bien ne pas nous accompagner, ma mission m'est assez désagréable. Il m'en coûterait d'avoir à blesser madame dans sa dignité. »« Nous revenons tout de suite, » dit Martel. Il ne fit qu'entrer dans la chambre. « Deux oreillers, » dit-il. « Merci, c'est assez. » Il ne promena même pas partout ce regard curieux et interrogateur qui appartient aux gens de police et qu'ils gardent toujours, même chez leurs amis. Lui, l'homme de loi, il était plus embarrassé, plus mal à l'aise que les coupables. « Où puis-je dresser mon procès-verbal » demanda-t-il. « Faut-il que madame y assiste ? Vous le signerez ?»« Parfaitement. Madame peut se retirer. Je la prie d'agréer toutes mes excuses. » Quand le commissaire descendit, il trouva tout son monde en émoi. L'homme qui avait escaladé le mur était couché sur une botte de paille, et Hutin, placé entre deux agents, le regardait d'un air gouailleur. L'explication ne fut pas longue à donner. « C'est vous qui avez frappé cet homme ?» dit le commissaire au berger. « Oui, j'ai vu un homme qui escaladait le mur. Je l'ai pris pour un voleur. J'ai tombé dessus. Il faut croire que j'ai tombé trop fort ou que ses os sont en verre. C'est une chance que je ne l'ai pas tué. Pourquoi qu'il n'avait pas un uniforme ? Voilà ce que c'est que de n'être pas gendarme. Les gendarmes, je les respecte. Mais un homme en paletot gris qui saute d'un mur dans une cour à 4 heures du matin, si on ne l'assomme pas, il peut bien vous assommer. « Laissez-le aller, » dit le commissaire à ses agents. Puis, quand il se fut éloigné, « Fradin, » dit-il le blessé, « je vous avais prévenu que votre zèle vous jouerait un mauvais tour. Vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi n'êtes-vous pas resté en dehors, comme je vous l'avais recommandé ?»« Le gredin savait bien qui j'étais. Il m'appelait Rousse à l'arnache. Qui l'a entendu ? Personne. Oh, ma jambe !»« Si vous voulez déposer une plainte, vous la déposerez. Je ne vous le conseille pas, cependant. Enfin, on verra. » Et s'adressant à Martel, « Peut-on faire reporter le pauvre diable à Paris ?» « C'est facile. On le mettra sur de la paille dans le char à banc avec des oreillers. » Le procès-verbal fut promptement dressé. Il était des plus simples. À toutes les questions, Martel répondait affirmativement. C'était un homme intelligent que ce commissaire, qui tâchait, quand il était bien disposé, et il l'était souvent, d'adoucir ce que ses fonctions avaient de pénible. Il approchait de la cinquantaine. Il avait fait de la police toute sa vie, et il avait une certaine expérience du monde. « Si vous vouliez me permettre un conseil, » dit-il, « mais un conseil tout à fait en dehors de mes fonctions, ce serait de vous arranger avec ce monsieur Berthaud. Vous pensez ? Je crois que c'est du chantage. J'ai vu le personnage, un chenapan, monsieur. Il avait demandé que vous et madame fussiez immédiatement arrêtés. La commission rogatoire pour le flagrant délit a été délivrée. Elle ne pouvait pas ne pas l'être. Le mandat d'arrêt a été refusé. Cette manière de procéder indique une grande douleur ou des intentions peu honnêtes. « Je ne crois pas à la douleur d'un homme qui fait le mort pendant 8 ans et se réveille tout à coup sans qu'on sache pourquoi. »« Nous le savons, ce pourquoi. Sa fille a hérité de 20 000 francs de rente. »« Hé hé, j'avais le doigt dessus alors. Est-ce qu'il vous a déjà fait des propositions ?»« Non. »« C'est qu'il y a déjà 3 jours que je devais faire ces déplorables constatations, et il m'a retenu. »« Puis hier soir, il m'a requis de nouveau. »« J'ai pensé qu'il avait employé ces 3 jours à vous tâter. » Vous savez que la plainte du mari peut être toujours retirée. Je crois qu'il ne demande que ça. contre finance, bien entendu. Il y avait une crainte qui, pour le moment, préoccupait cruellement Martel. Comment Armande allait-elle accepter cette divulgation de la vérité qu'elle avait toujours tant redoutée? Allait-elle oser reparaître devant les gens de la maison? Comment allait-elle supporter leur regard curieux? Comment eux-mêmes allaient-ils se conduire envers elle? Il se dit que plus on attendrait, plus l'angoisse serait grande, grossie qu'elle serait, exaspérée par la réflexion et l'inquiétude, et que, puisque la souffrance devait être endurée, mieux valait l'aborder tout de suite que la différer. Le travail de la journée réunissait précisément ce matin-là à la ferme un certain nombre de femmes du village. On devait échardonner les blés. Lorsqu'elles furent toutes arrivées et réunies dans la cour où elles s'entretenaient naturellement de l'événement du matin, il voulut qu'Armande descendît et se montre avec lui. Ce fut pour elle une poignante minute que celle où elle sentit tous ses yeux qui la regardaient. Peu à peu elle se remit, sans doute il y avait une mortifiante curiosité dans ses yeux, mais on y sentait aussi un intérêt, une compassion, qui lui firent du bien. Ce n'est pas pour ce genre de malheur que les paysans ont de la malveillance. Ah, si au lieu d'un commissaire de police avait été un huissier, si on avait fait une saisie, combien elles eussent été plus moqueuses et plus insolentes. Lorsqu'elle rentra dans la cuisine, Marie-Ange, plus libre avec elle que les autres domestiques, s'approcha. « Est-ce que c'est vrai, madame, que M. Maurice n'est pas mort ?»« Oui, ma fille. » »« Ah, madame, pour sûr que c'est le diable. » Au moment où Martel allait partir pour Paris afin de consulter Favas, on lui apporta une lettre. Elle était de Maurice et ne contenait que ces quelques mots. « J'ai été menacé de mort cette nuit par votre berger. Si cette menace est mise à exécution, vous serez mon assassin. Cet homme est à vous. Il ne peut être que votre instrument. S'il ne l'est pas, instruit comme vous l'êtes maintenant, vous seriez son complice. » Précisément, Hutin traversait la cour, encore tout fier de son coup de pied, qu'il avait déjà raconté 10 fois. Il l'appela. « Que signifie cette lettre ?» lui demanda-t-il. Hutin raconta franchement ce qui s'était passé. « Mon pauvre garçon, » lui dit Martel, « je sens tout votre dévouement. Mais vous m'auriez perdu, et vous vous seriez perdu vous-même. Ah, monsieur, le cœur est bon, c'est la cervelle qui est mauvaise. Eh bien, quand vous voudrez faire quelque chose pour moi, venez m'en parler avant. » Il était désespéré de cette intervention malencontreuse. Mais pouvait-il malmener un pauvre diable qui avait risqué sa vie pour lui? Favas était au palais, Martel courut l'y rejoindre, mais il plaidait, il fallait attendre. C'était précisément un procès en séparation de corps. La femme demandait la séparation. Favas plaidait pour elle. Dans une précédente audience, il avait fait l'histoire de sa cliente, il faisait maintenant celle du mari. Il portait ce mari, un des beaux noms de la France, mais il avait eu une éducation plus que négligée. Et Favas était en train de démontrer qu'une honnête femme ne peut pas aimer un homme qui ne sait pas l'orthographe. Dans ce but, il lisait au tribunal toutes les lettres que ce pauvre garçon avait écrites à sa femme pendant la première année du mariage, et le tribunal, malgré sa gravité, souriait des lèvres, pendant que le public, qui était nombreux, se tenait les côtes. C'était un vaudeville. Jamais Cassandre n'avait été aussi ridicule, aussi grotesque que ce malheureux mari. « Est-ce donc là ce qui attend Armande ?» se demanda Martel. Il sortit. Il n'y pouvait plus tenir. Jusque-là, il n'avait vu dans son affaire que le côté sévère, celui de la justice. Il n'avait pas songé aux plaidoiries. Enfin, Favas descendit dans la salle des pas perdus. Il était entouré de ses jeunes confrères, qui le portaient presque en triomphe. Jamais on ne s'était tant amusé. Sous les voûtes sonores de la grande nef partaient encore des éclats de rire qui devaient bien étonner le vertueux Malesherbes. « Les journaux seront drôles, » dit un jeune stagiaire en passant à côté de Martel. Favas allait disparaître, Martel courut après lui. « Ah, c'est vous, mon cher, je suis à vous, rentrons ensemble si vous le voulez. » « Voilà un curieux chenapan, » dit-il lorsque Martel lui eut tout raconté. « Pourtant, il n'est pas le seul de son espèce. Ça devient un bon état d'être mari. Ainsi, il y a flagrant délit. On ne peut le nier. Règle générale, on peut tout nier. Mais la question n'est pas là pour le moment. Puisqu'il a fait constater le flagrant délit, c'est qu'il veut une condamnation pour adultère avec emprisonnement pour vous, dommage et intérêt pour lui. Cela est aussi sûr que s'il nous avait fait part de ses projets. Dans ces conditions, 3 voies nous sont ouvertes, avouer, nier, expliquer. Nier la chose, j'en conviens, est assez difficile. Cependant, on peut citer des témoins, attaquer le procès-verbal du commissaire, le mettre en contradiction, etc., etc. Non, pas cela. Vous aimez mieux l'explication. Au fait, c'est plus habile et plus légal. Nous avons les premières années du mariage de Berthaud qui, racontées, expliquent bien les choses. Non, pas de cela non plus. Alors vous ne voulez pas vous défendre? Je veux me défendre sans attaquer. Je vous ai entendu tout à l'heure raconter la première année de mariage de... Eh, mon cher, le cas n'est pas le même. Nous n'avions rien. Il fallait bien trouver quelque chose, mais vous... Moi, je veux dire franchement la vérité entière. Là est ma force et, il me semble, ma dignité. Si je n'avais pas ma femme à défendre, je me renfermerais même strictement dans mon interrogatoire. Je ne plaiderais pas. Mais je ne veux pas de prison pour elle. Il faut la défendre. C'est là le difficile. La loi est formelle, le délit est constaté, cela dépend du tribunal. Il est bien rare que, dans l'espèce, les tribunaux n'appliquent pas la prison. À mon sens, l'emprisonnement de la femme sur la plainte du mari, comme l'emprisonnement de l'enfant sur la plainte du père, sont de malheureuses traditions du droit féodal. Mais c'est la loi. Telle qu'elle est, il faut la subir. Cependant, il y aurait peut-être un moyen d'éluder cette loi. Ce serait de ne pas y recourir. Certainement Berthaud n'a qu'un but de spéculation, tirer de vous une bonne somme et reprendre sa femme pour administrer les 20 000 francs de rente de sa fille. Quel âge a-t-elle, sa fille? Bientôt 10 ans. 20 000 francs par an, de 10 ans à 21 ans, cela fait 220 000 francs. Plus une dizaine de 1 000 francs que vous pouvez être condamné à payer, cela fait 230 000 francs qu'il pourrait avoir à dépenser, en reprenant sa femme et en vous faisant condamner. Mais sa fille peut se marier à 16 ans. Alors il n'a que 6 années de revenus, c'est-à-dire 100 000 francs. Nous pouvons faire prononcer la séparation de corps, nous réclamons la dot et les apports de la femme. Alors c'est lui qui est notre débiteur. Il aurait donc intérêt à transiger immédiatement. Si on lui offrait 25 000 francs tout de suite payés et une pension de 2 400 francs, pouvez-vous faire cela? Oui. Eh bien, il faut le lui faire proposer. C'est révoltant, mais justement c'est par là que cela a toutes les chances de réussir. Et s'il n'accepte pas, il nous restera à nous défendre de notre mieux et à demander la séparation de corps, car on ne peut pas laisser une femme et des enfants à la discrétion d'un père de famille de cette espèce. Comment des enfants? Madame n'en a-t-elle pas deux? Oui, mais le plus jeune est mon fils. Légalement, il est le fils de Berthaud. Allons donc, c'est impossible, n'est-ce pas? Il est mon fils. Il est né 15 mois après la prétendue mort de Berthaud. Il est inscrit comme mon fils à la mairie. Mon pauvre ami, il est le fils de Berthaud si celui-ci le réclame, car les enfants d'une femme mariée ont pour père le mari. Ceci est une règle de droit commun, comme 2 et 2 font 4 est une règle d'arithmétique. Berthaud pourrait désavouer cet enfant comme né pendant son absence, personne ne peut contester qu'il est son fils. Alors nous sommes perdus. Il menace de nous l'enlever. Son fils, il sera son fils s'il le veut, mais vous l'enlever, c'est une autre affaire. C'est précisément pour que cela n'arrive pas que nous allons demander la séparation de corps. Cependant, il ne faut pas nous flatter d'avance du succès. Il ne serait pas le premier enfant qui deviendrait, entre les mains du mari, un moyen de chantage. Si j'avais le temps, je pourrais vous raconter là-dessus 2 histoires aussi épouvantables l'une que l'autre. Aussi, tout cela réuni, doit-il nous décider de plus en plus à tenter la négociation dont je vous parlais tout à l'heure? Par qui la faire faire? Moi, je ne puis m'en charger, malgré tout le désir que j'ai de vous servir. Vous, c'est impossible. Il nous faut un homme sûr, ferme et adroit. Et je crois que nous le trouvons dans un de vos voisins, M. Tedvuid, qui habite Villeneuve. C'était peut-être le meilleur avoué du tribunal. Il vit maintenant de ses rentes. C'est mon ami. Je crois qu'il voudra bien se charger de cette affaire, qui dans ses mains aura toutes les chances. Je vais vous donner une lettre pour lui, en le priant de diriger la procédure, s'il ne réussit pas auprès de Berthaud. Dites-lui bien tout, portez-lui les 25 000 francs et laissez-vous conduire. Il écrivit cette lettre et la lui remettant. « Maintenant, un conseil encore. De quoi se compose votre fortune ?»« De ma ferme et de valeur. » »« Eh bien, vendez votre ferme et tous vos meubles, soit à un fidéicommis, soit à un acquéreur sérieux si vous en trouvez un. Moins vous aurez de surface financière, moins vous offrirez de prise. Nous serons plus forts pour arracher une transaction quand nous pourrons dire « ça ou rien ». Vendez donc, non pas demain, mais aujourd'hui, que tout soit terminé avant le jugement. » Martel ne perdit pas une minute. Il revint de toute la vitesse de son cheval à Villeneuve chez M. Tedvuid. Il était en proie à cette trépiditation de nerfs que ressentent les plus braves dans les batailles, mais plein d'énergie, résolu à tout pour protéger Armand et Julien. L'argent, il n'y pensait guère. Il était prêt à sacrifier sa fortune. C'était une santé déplorable qui avait forcé M. Tedbuid à quitter les affaires. Par vocation, par plaisir, il fut resté avoué toute sa vie. Mais l'air vicié des études, les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles sont placés les gens de loi, l'avaient obligé à vendre sa charge, s'il voulait garder jusqu'à 60 ans le faible souffle que la nature avait mis dans son chétif individu. Retiré à Villeneuve, garçon sans enfant, comme il le disait de lui-même plaisamment, il passait les jours à cultiver son jardin, les soirées son violoncelle, et il se soutenait. À voir ce petit vieux, malingre, déjeté, voûté, vêtu de noir sali, cravaté de blanc roussi, ayant l'apparence d'un vieux moineau roulé par un orage, portant un nom presque ridicule, on ne se fût jamais douté qu'on avait devant soi une intelligence qui avait fait trembler toute une génération d'avocats, d'avoués, de gens de loi et d'affaires, une capacité reconnue et honorée. Tedbuid avait une qualité admirable chez un avoué, celle qui fait les bons chiens de chasse, les véritables agents de police, les grands capitaines, le flair, autrement dit la sûreté d'intuition. Il faisait croire à la double vue. À la lecture d'une requête, il devinait sûrement les motifs vrais d'un plaideur. Aussitôt son plan était bâti et sa défense organisée, non contre ce qu'on lui opposait aujourd'hui, et qui souvent était une feinte ou une fausse attaque, mais contre ce qu'on lui opposerait demain, c'est-à-dire dans la lutte décisive. Dans cette bataille, qu'on nomme un procès, l'avoué a un rôle auquel on ne rend pas assez justice, égaré qu'on est par le bruit que fait l'avocat. L'avocat se bat d'une façon telle qu'elle, c'est l'avoué qui organise la victoire. Pour ses organisations à longue échéance, Tedbuid avait un talent merveilleux. Avec 3 lignes de l'écriture d'un homme, il ne le faisait pas pendre, mais il lui faisait perdre son procès. « Monsieur, dit-il à Martel, je suis tout disposé à me mettre à votre disposition comme me le demande Favas. Seulement, avant que j'écoute votre affaire, je vous prie de m'accorder une demi-heure. Dans 1 minute, je vais me mettre à table. Il m'est défendu de retarder et de troubler mon dîner. Si vous voulez me faire l'honneur d'assister à mon repas, nous causerons. Après, je serai à votre disposition. » Au même moment, une sonnerie résonna dans la maison. Avant qu'elle eût cessé, une servante vint annoncer que le dîner était servi. « Vous voyez, continua Tedbuid, si ma vie est régulière. Il y a des gens qui ont des réveils, pour les réveiller. Moi, j'en ai un pour me faire manger à l'heure. Pendant 20 ans, j'ai eu les repas les plus fantastiques, heureux encore quand je mangeais. Aujourd'hui, je déjeune à 10 heures et dîne à 6. Le monde croulerait que je n'avancerais pas ou ne retarderais pas mon repas. Je suis maintenant l'esclave de ma bête. Il paraît que la santé est à ce prix. Franchement, c'est un peu cher. » Il causa joyeusement pendant la demi-heure consacrée à son dîner, mangeant avec un soin religieux, comme un homme qui accomplit un devoir, puis, quand l'admis sonna, il se leva de table. « Maintenant aux affaires, dit-il avec entrain, et vivons un peu. Passons dans mon cabinet. » Pour la seconde fois de la journée, Martel recommença son récit, long, exact, circonstancié. De temps en temps, Tedbuid faisait un signe sans interrompre. Quand Martel eut fini, « Bon, je me charge volontiers de votre affaire, parce que vous êtes un homme droit, honnête dans son passé et ses intentions. Quand on ne donne plus de conseils qu'en amateur, on a bien le droit de choisir ses clients. Votre réputation m'était bien connue, mais vous, je ne vous connaissais pas. Désormais, usez de moi. Où demeure notre homme ? Rue Lamartine, numéro 9. Je vais lui écrire, dit Tedbuid, en notant l'adresse sur son agenda, et lui donner rendez-vous ici pour après-demain 2 heures. S'il ne vient pas, il viendra si sa curiosité et son intérêt sont excités. J'espère trouver le moyen de les exciter. Mais pour cela, je ne vous promets pas le succès. Je ne crois pas aussi sûrement que Favas a une transaction. Nous avons contre nous 2 choses terribles. Vous avez été amis, quelque bas qu'il puisse être tombé. Il n'aura pas avec vous la liberté de bassesse qu'il aurait avec un étranger. Vous avez un enfant, et entre ses mains, ce peut être une arme irrésistible. Par votre ancienne amitié, il est tenu. Par votre enfant, il vous tient dans votre tendresse, dans votre fortune, dans votre bonheur. Aussi est-il à craindre qu'il veuille obtenir d'abord le jugement. Après, il pourra toujours transiger. Sa position ne sera que plus forte. Avez-vous les 25 000 francs? Les voici. Bon, toute notre espérance est là. On ne sait pas combien la vue de ces chiffons bleus trouble facilement une cervelle et affole une raison. Qu'ils allument sa convoitise, nous le tenons. Revenez, si vous le voulez bien, après-demain à 5 heures. Tête vide savait décidément exciter l'intérêt ou la curiosité de ceux à qui il écrivait. Le surlendemain, à 2 heures, Maurice se fit annoncer chez lui. « Vous m'avez écrit, dit-il, comme j'avais précisément besoin aujourd'hui ici, j'ai fait d'une pierre 2 coups. » Cette apparente indifférence était trop grossière pour tromper l'ancien avoué. « Monsieur, dit-il, je suis le conseil de M. Martel. Et en voyant la façon dont vous procédez envers lui, j'ai pensé que vous étiez sans le sou. » Maurice n'était plus au temps où une pareille parole l'eût soulevé d'indignation. Son épiderme n'était plus sensible à de pareils coups. Cependant, celui-là était appliqué si raide qu'il se leva. « Monsieur, que vous étiez sans le sou, continua tête vide, qui parut ne pas entendre, et que vous ne seriez pas fâché de faire une bonne affaire. C'est pour vous proposer cette affaire que je vous ai écrit. Et vous avez cru que votre plainte en adultère était une spéculation, mon Dieu, oui. Si je ne l'avais pas cru, vous auriez parfaitement le droit de me prendre pour niais. Vous comprenez que dans les circonstances où cette plainte est déposée, après 7 ou 8 ans de silence, au moment où votre fille et votre femme font un héritage qui vous donne un intérêt à administrer la communauté, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour deviner le motif qui l'a dicté. Vous avez cru que j'accepterais votre affaire ? Il est impatient de savoir ce qu'on lui offre, pensa tête vide. Nous le tenons. Et tout haut, j'ai cru que vous ne feriez pas le difficile si le prix payé pour votre désistement vous paraissait suffisant. Que s'il vous paraissait inférieur à vos besoins ou à votre douleur d'époux outragé, on pourrait le discuter et finalement s'entendre. Ma mission est toute de conciliation, vous le voyez. Le prix ? 25 000 francs que voilà. Il prit la liasse de billets de banque dans son tiroir et, la froissant entre ses mains, il s'amusa à lui faire produire ce froufrou qui trouble une conscience comme le froufrou de la robe de soie que traîne la femme aimée, remue l'essence d'un homme de 20 ans. 25 000 francs une fois payés, et en plus une pension de 2 400 francs par an. Tout en parlant, tête vide regardait son adversaire. À l'indifférence que celui-ci avait affectée jusqu'à ce moment, succéda une ardeur qui alluma ses yeux. « C'est tout ? » dit-il. « Ce n'est pas assez ?»« Ainsi, monsieur, » s'écria Maurice avec emportement, « vous croyez que je peux vendre ma femme et mes enfants ?» Puis, changeant brusquement de ton, une femme qui n'a pas 30 ans et qui fait les confitures dans la perfection, 2 enfants superbes, solides et sains, pour 25 000 francs. Vous auriez le droit de me prendre pour un niais si je disais « Tapez-la, nous parlons affaire, n'est-ce pas ?»« Allons, » se dit tête vide, « le gaillard est bien ce que je croyais. L'attaque des billets de banque a manqué, la bataille est perdue. »« Si je voulais faire une spéculation comme vous le croyez, » continua Maurice, « vous devez convenir que le prix que vous m'offrez est ridicule. » Ma fille a 20 000 francs de rente, dont je jouirai, jusqu'à son mariage ou jusqu'à sa majorité. Mais alors mon fils Julien aura la pension que lui fera M. Martel. Ta, ta, ta, vous allez comme un homme d'imagination. Je croyais que nous parlions affaire. Vous nous faites condamner pour adultère, c'est bien. Nous, nous obtenons la séparation de corps et la garde de nos enfants, c'est mieux. Alors, où prenez-vous les rentes de votre fille et la pension de votre fils ? Où prenez-vous la dot de votre femme qu'il vous faut restituer ? Oh, restituer ? Parfaitement. On ne peigne pas un diable qui n'a pas de cheveux. Vous ne restituez rien, nous nous en moquons. Mais de votre côté, vous ne touchez rien. Pour un homme qui est dans la position dont je parlais tout à l'heure, c'est assez désagréable. Nos 25 000 francs ne sont donc pas si ridicules. Monsieur, dit Maurice en prenant son chapeau, j'ai jusqu'ici écouté vos honteuses propositions parce qu'il me plaisait de savoir comment ma femme voulait se défendre. Ce sont là ses moyens, elle ne mérite aucune pitié, elle ira en prison. Et puisque vous me menacez d'une séparation de corps, nous verrons s'il se trouve un tribunal français pour laisser les enfants à une mère flétrie par une condamnation correctionnelle. Je suis sans le sou, c'est vrai. J'ai le désir de profiter d'un revenu donné à ma fille par un homme qui m'aimait, c'est vrai encore. Mais entre ce revenu et l'argent que vous me proposez, il y a un abîme, un ruisseau. Je ne m'y salirai pas. Cela fut dit avec une dignité froide où l'on retrouvait un homme. Malheureusement, il ne sortit pas sur cette grande phrase qui avait presque surpris tête vide. « Vous savez mon adresse. Si vous avez d'autres propositions à me faire, vous voudrez bien prendre la peine de monter mes 5 étages ?» Quand Martel arriva à son tour chez tête vide, il comprit tout de suite que la négociation avait échoué. « Ce que je craignais s'est réalisé, » dit tête vide. Il compte sur votre fils pour obtenir mieux, et en plus, je lui crois contre vous un sentiment de haine qui nous gênera terriblement. Voici qui prouve que quant aux enfants, vous avez malheureusement raison, dit Martel en présentant un papier plié. Ah, une requête. Il fallait nous attendre à ça. Voyons un peu. Il lut. À monsieur le président du tribunal, etc. Monsieur Maurice Berthaud, etc., ayant maître Blanchard pour avoué. À l'honneur de vous exposer que, pendant qu'il était absent de France, la dame de Kergomar, son épouse, a formé avec un sieur Martel, artiste peintre, demeurant au Plessis, une liaison coupable. Que depuis plusieurs années, elle vit avec lui en état de concubinage, état connu de tout le monde et tellement affiché, que la dite dame se fait appeler Madame Martel et que mon dit sieur Martel la présente comme sa femme. Que de son mariage avec son épouse, l'exposant a eu deux enfants, lesquels ont suivi leur mère auprès de sieur Martel. Que dans cette maison, ils ont sans cesse sous les yeux des exemples pernicieux pour leur jeune âge, dont ils souffrent et dont souffre en même temps la morale publique. Ta, ta, ta, la morale publique, dit Edwige en s'interrompant. Il nous la donne bonne, Blanchard, mais continuons. Que, pour faire accepter une pareille situation à des enfants, dont l'un est déjà assez grand pour raisonner, la dite dame n'a pas craint de se dire mariée en seconde noce, si bien que les enfants ont cru et dû croire leur père mort, à tel point que l'exposant ayant abordé il y a deux jours sa fille, et l'ayant interrogée sur son père, elle lui a répondu que son père était mort et que c'était un grand bonheur, parce que sans cette mort, ils seraient tous dans la misère. Que malgré ses épouvantables paroles, ce père, ayant voulu embrasser son enfant, celle-ci s'y est refusée en disant qu'elle n'embrasserait pas les messieurs qu'elle ne connaissait pas. Depuis son retour en France, l'exposant a fait deux démarches auprès de la dame son épouse pour l'engager à rentrer au domicile conjugal, démarches qui ont été repoussées. Dans ces conditions, il a déposé entre les mains de M. le procureur impérial une plainte en adultère contre ladite dame et contre son complice, mondit sieur Martel. Aujourd'hui, en considération de l'urgence, il a l'honneur de requérir qu'il vous plaise, attendu la gravité des faits exposés, dire et ordonner que ses enfants lui seront remis dans le plus bref délai, et à cet effet, commettre les agents de la force publique qu'il appartiendra, pour ladite ordonnance, être mis à exécution. Eh bien voilà qui est un peu fort, dit Edwige. Il était tout joyeux, mais remarquant la figure bouleversée de Martel. Allons, mon cher monsieur, ne vous désolez pas. Notre président est trop intelligent pour rendre une pareille ordonnance, qui n'est après tout qu'un épouvantail. Nous allons introduire dès aujourd'hui notre demande en séparation, en requérant que les enfants soient laissés à notre garde. Quel âge a la fille? Bientôt 10 ans. Il serait bon de la mettre dès demain dans un couvent ou une pension. C'était déjà notre intention. Alors c'est parfait. Quant à votre fils, je vous donne ma parole qu'il ne lui sera pas remis par mesure provisoire. Peut-être ordonnera-t-on qu'il sera mis dans un collège. Nous l'enlever? S'écria-t-il avec une horrible angoisse. C'est là une mesure provisoire que la loi autorise. Mais il n'a pas 6 ans, il est malade, à peine convalescent d'une crise qui a failli le perdre. Il a besoin des soins incessants de sa mère, il ne nous a jamais quittés. Ce sont là des considérations particulières très puissantes pour un homme. Mais la loi n'a ni cœur ni entrailles. La loi est la loi. Dans l'espèce, un père. Martel fit un mouvement. Persuadez-vous donc bien, continua Edwige, qu'aux yeux de la loi, vous ne pouvez pas être le père de cet enfant. Dans votre affaire, comme dans toutes les affaires du monde, il y a deux points, le fait et le droit. Le fait, c'est que cet enfant est à vous, et qu'il ne peut être qu'à vous parce que le mari de sa mère était absent depuis plusieurs mois au moment de la conception. Le droit, c'est que cet enfant ne peut pas être à vous parce que sa mère était mariée au moment où il est né, et parce que le mari de cette mère déclare qu'il est à lui. Or, si un mari peut, dans certaines circonstances, désavouer un enfant que sa femme lui donne, personne, entendez-vous bien, personne ne peut contredire ce mari affirmant que l'enfant est à lui. Rien ne prévaut contre l'axiome « Pateris justae quem nuptiae demonstrand ». C'était la seconde fois que Martel s'entendait affirmer la même chose. Cependant, malgré la confiance qu'il avait en ceux qui parlaient ainsi, malgré leur espérance et leur autorité, tout en lui se révoltait contre cette idée que la loi pouvait lui arracher son fils pour le donner à un autre. Cela vous paraît monstrueux? Si j'avais le temps de vous faire un cours de droit, je vous expliquerai par quelles raisons cela se légitime. Mais peu vous importe les raisons, le fait seul vous touche, Eh bien, le fait est ainsi. Légalement, votre fils est le fils de Berthaud. Or, que peut répondre la loi à un homme qui se présente et qui dit « Ma femme vit en concubinage avec un amant, j'ai déposé contre elle une plainte en adultère, le flagrant délit a été constaté, je demande que mes enfants ne restent pas plus longtemps confiés à sa garde et me soient remis. » La réponse, bien simple, est en réalité très sage. Votre femme est coupable, cela paraît certain, il serait donc dangereux de lui laisser des enfants que son exemple corrompt. Mais vous-même, vous ne paraissez pas parfaitement digne d'être un modèle pour ces enfants, dont l'éducation vous préoccupe si vivement. C'est pourquoi je ne laisserai point votre femme, pas plus que je ne vous les donnerai. Madame m'a-t-elle son père ou sa mère? Son père. Alors nous pouvons demander qu'il soit nommé tuteur ad hoc. Non, mille fois non, j'aimerais autant Berthaud que monsieur de Kergomar. Qui est-ce? Un brigand qui vaut son gendre, s'il n'est pire. Cela complique notre situation. Le tribunal serait disposé par une suspicion générale. Si nous demandons un tuteur ad hoc, il pensera tout naturellement à l'ascendant. Il vaut donc mieux que nous ne parlions pas de tuteur. Heureux si notre adversaire ne le propose pas lui-même, ou si le tribunal ne le nomme pas d'office. Le plus prudent dans cette conjoncture, c'est de faire envoyer l'enfant en pension. Sans doute nous tâcherons qu'il reste près de sa mère. Mais bien certainement vous aimeriez encore mieux le voir confier à un proviseur quelconque qu'à celui qui se prétend son père. Et c'est tout ce que nous pouvons espérer. Encore va-t-il falloir batailler et ne pas perdre de temps. N'oubliez pas que la règle est que les enfants doivent être confiés au père demandeur ou défendeur et que c'est par exception qu'il en est autrement ordonné. Or nous, qui par notre position d'épouse adultère devons être mal vus par la loi, nous demandons la faveur de l'exception. Ah, le gaillard a bien combiné son affaire. En théorie, c'est bien emmanché. Maintenant, il faut voir comment ça va aller dans l'application. Il était tout rajeuni. Cette remise en activité lui promettait des émotions. L'horloge eut sonné pour ordonner le dîner qu'il n'eût pas entendu. Nous aussi, nous allons présenter une requête. Et j'ose espérer que nous parlerons de la morale publique un peu plus adroitement que ce criquet de Blanchard. Martel était anéanti. Allons donc, est-ce que 2 mois de prison en expectative doivent vous abattre ainsi? Vous n'avez pas assassiné, que diable! Et pour le délit dont vous êtes coupable, le monde est indulgent, la loi seule est dure. Ce qui, soit dit en passant, est un malheur. La loi douce et la société justement sévère, cela ferait bien mieux, le compte de la morale, la vraie, j'entends, pas celle de notre adversaire. Ce n'est ni le monde ni la prison qui me préoccupe, c'est l'enfant. Hélas, je vous l'ai dit, là est notre côté vulnérable. Si nous n'avions pas l'enfant, ce serait trop facile avec un pareil drôle, et je ne me chargerais pas de votre affaire. Puis, changeant de sujet, avez-vous fait ce que Fabas vous avait conseillé relativement à votre fortune? Oui, le prince de Coy, toujours parfait d'obligeance, m'achète mes terres et ma maison. L'acte est signé d'hier. Maintenant, vendez votre matériel de ferme. Je ne veux pas que le jour de l'exécution venue on trouve à tondre sur nous plus que sur un œuf. J'oubliais vos billets. Il les prit dans son bureau, les agitant. Est-il possible que le maladroit ait résisté à ce bruit-là? Je crois qu'il s'en mordra les doigts et qu'il n'est pas prêt d'entendre leur musique. Le papier timbré commença à pleuvoir. Ils restèrent d'abord à l'abri de cette mitraille, qui s'échangea d'avoué à avoué, mais ils durent bientôt donner de leur personne dans la bataille. Il fallut comparaître devant le juge d'instruction. Elle devait être entendue la première. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-on lui demander? Dis les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'elles sont, lui conseilla Martel en la rassurant. Nous n'avons rien à cacher. Madame Berthaud, appela le greffier. Elle ne se leva pas. Madame Berthaud! Depuis 7 ans, c'était la première fois que ce nom résonnait à son oreille. Mais hélas, c'était bien le sien. Elle ne serait plus Madame Martel. Elle ne l'avait jamais été. Elle entra. Un monsieur cravaté de bleu, vêtu de noir, souriant, affable, se leva pour la recevoir. Elle resta quelques minutes sans pouvoir se remettre malgré ses efforts, regardant fixement le parquet ciré. Ce n'était point un juge d'instruction de la vieille école que M. Desminières, mais un homme poli avec tout le monde, aimable avec les femmes. Jeune encore, grand, bien fait, au mieux avec les mères, plaisantant avec les filles, dansant au bal, jouant aux soirées, invité partout. Il pratiquait dans une mesure si égale à sa double profession de juge d'instruction et d'homme aimable que ses rivaux l'accusaient de ne savoir se défaire à propos de l'une ou de l'autre, dans le monde d'être trop juge, au palais d'être trop mondain. Le matin, en pensant qu'il devait interroger une femme qu'on disait très jolie, qui avait été fort remarquée à la fête donnée par le prince de Khoï. Il avait changé 3 fois de cravate. Jeune, jolie, accusée d'adultère, hé hé. Il s'efforça de la rassurer. « Mon Dieu, madame, remettez-vous, je vous en prie, nous ne sommes pas des monstres. » Elle ne le voyait que trop. Elle eût mieux aimé un vieux paperassier, sévère ou bourru, que ce jeune homme gracieux dont le regard la gênait. Il fit un signe à son greffier, celui-ci, sachant ce que cela voulait dire, s'éloigna. « Maintenant, madame, nous sommes seuls. » Ce n'était guère propre à la rassurer, mais il fut parfait. Il l'écouta sans l'interrompre, lui posa seulement quelques questions indispensables avec une réserve pleine de délicatesse. Puis il appela son greffier et lui dicta l'interrogatoire. Ce n'était point réaliste. Dans sa bouche, la périphrase s'épanouissait, décente et ornée. On sentait l'homme qui, plus tard, traduirait Tibulle en vers. Martel avait entendu parler depuis quelques jours de code pénal, de code de procédure, de code d'instruction criminelle, d'inculpation, de prévention, d'accusation, de prison, d'amende et de dommages-intérêts, qu'il fut presque surpris d'être reçu en homme du monde. L'interrogatoire fut plus précis, et les choses comme les faits retrouvèrent presque leur nom. Lorsqu'il fut signé, on causa. M. Desminières avait des opinions en peinture et en musique. Il préférait Ingres à Delacroix. Meyerbeer à Rossini. La musique de Weber le faisait pleurer. Ah ça, M. Berthaud est bien l'auteur, n'est-ce pas, d'un opéra tiré de Shakespeare, représenté il y a 8 ou 10 ans au milieu d'un feu d'artifice de réclame. C'est lui-même. J'en ai à cette époque beaucoup entendu parler. J'ai été attaché au parquet. Très lancé dans tous les mondes, je connaissais intimement une petite dame liée avec Lina Boireau, sa maîtresse. Il est bien sévère aujourd'hui, car si alors sa femme lui demandait sa séparation, elle l'eût certainement obtenue. Il allait bien. Elle a fait un beau chemin depuis, cette Lina. Elle habitait notre arrondissement. Après avoir paru devant le juge d'instruction pour se défendre de l'accusation d'adultère, Armande dut paraître devant le président du tribunal pour demander sa séparation, la requête de tête vide ayant été répondue d'une ordonnance de comparution des parties, c'est-à-dire de la femme et du mari. Ce ne fut pas la côte la moins rude de son calvaire que cette entrevue. Sa vieille amie, Madame Aigbel, avait voulu l'accompagner pour qu'elle ne fût pas seule. Elles étaient toutes les deux dans la salle d'attente qui précédait le cabinet du président lorsqu'elles virent Maurice entrer. Il était convenablement vêtu. Toute sa tenue disait qu'il voulait inspirer confiance. Il les salua sans embarras et sans que rien en lui trahît l'émotion. C'était pourtant la première fois qu'il revoyait sa femme au grand jour. Pour elle, l'émotion la plus poignante la faisait trembler sur le banc où elle était assise. Les battements de son cœur s'étaient arrêtés. Madame Aigbel alla près de lui. « Je suis heureux de vous rencontrer, lui dit-il, et d'apprendre que vous voyez toujours Armande. N'aurez-vous pas pitié d'elle? Je ne demande que cela. Mes bras lui sont ouverts. Vous savez bien que c'est impossible. Il le faut. Ah, Berthaud, ce que vous faites là est indigne. Vous seriez un monstre si... » Il lui tourna le dos. Le mari et la femme entrèrent ensemble dans le cabinet du président. Le président était le contraste vivant du juge d'instruction. Tout à l'ambition, il n'y avait pour lui ni homme ni femme, mais seulement des plaideurs. Il poursuivait un but et ne s'en laissait distraire par rien. Ce but, c'était d'arriver à Paris. Tous les matins, il lisait le moniteur spécialement pour les nominations. Il connaissait les états de service et les protections de chacun, aussi bien que le chef du personnel à la chancellerie. La mort ou la mise à la retraite de l'un de ses confrères lui donnait la fièvre d'impatience et il en voulait personnellement à ceux qu'on choisissait en dehors du ressort. Sans se lever, il l'indiqua de la main deux fauteuils. « La loi, dit-il d'une voix de tête, me donne la mission de tenter entre vous un rapprochement, car elle ne veut pas que deux époux puissent, par une action irréfléchie et un accès de vivacité, s'engager dans une chose aussi grave, aussi terrible qu'une séparation de corps. » Et il continua 5 minutes sur ce ton, faisant les représentations qu'il croyait propres à opérer ce rapprochement comme le demande la loi. « Ce rapprochement est impossible, dit-elle. Pourquoi ? » Elle ne répondit pas. Il insista. Elle répéta « Impossible » et n'en dit pas davantage. Il était peut-être digne à elle de ne pas accuser, mais c'était une maladresse. Elle indisposa le président. Maurice sut en profiter. « Monsieur le président doit voir, dit-il, que madame n'a pas sa liberté. Et quoique nous paraissions sans conseil, elle apporte ici une réponse concertée d'avance et dont elle ne veut pas sortir de peur de s'engager. C'est pour l'arracher à l'influence qu'il enchaîne que j'ai dû déposer une plainte en adultère. S'il en est ainsi, dit le président, ma mission est inutile. Il ne vous reste qu'à suivre sur votre demande. Les journées étaient tristes au Plessis. On ne parlait ou ne s'occupait que des deux procès. Quand ils n'avaient pas à comparaître eux-mêmes personnellement, c'étaient les domestiques qui étaient cités comme témoins et qui racontaient ce qu'on leur avait demandé, les réponses qu'ils avaient faites. Mais au-dessus du procès, au-delà de leur présente, planait une pensée terrible et menaçante. Quels que fussent les résultats des procès, c'en était fini de leurs jours heureux. Il faudrait se séparer. Leur vie serait brisée. Ces quelques journées anxieuses qui leur restaient étaient encore les plus belles qu'ils auraient désormais. Cependant, on en pouvait peu profiter. Depuis le matin jusqu'au soir, Martel était chez l'avoué, chez Tête-Vuide, chez Fabas. Son temps se passait sur le grand chemin. Il avait entrepris une négociation qu'il avait à cœur, mais qui lui donnait le plus grand mal. C'était que les journaux ne rendissent pas compte des deux procès. La notoriété des noms en cause, la célébrité des avocats qui devaient plaider, lui opposaient de sérieux obstacles, bien qu'il eût des amis dans le journalisme parisien. Pour deux ou trois qui promirent formellement le silence, presque tous lui firent la même réponse. « Si personne n'en parle, nous n'en parlerons pas. Mais s'il y en a un qui commence, nous serons bien forcés de le suivre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de ne pas commencer. » À obtenir que chacun ne commençât pas, il employa tous les moyens. Au milieu de cette vie tourmentée, ils eurent une éclaircie. Le président rendit une ordonnance relative aux enfants. Victorine demeurait dans la pension des sœurs Rochemol. Julien resterait à la garde de sa mère, vu son jeune âge et les soins dont il avait journellement besoin, ainsi qu'il était constaté par le rapport des médecins commis à cet effet. Tête-Vuide avait tenu parole, mais comme s'il craignait qu'on se laissât aller à l'espérance, « Ce n'est qu'une mesure provisoire, » écrivit-il. « Elle pourrait être rétractée et modifiée suivant les cas. Elle ne préjuge en rien le jugement. Elle n'est rendue que pour quelques semaines. Le jugement, lui, sera définitif. » Enfin arriva le jour du jugement. L'audience devait ouvrir à 10 heures. Dès 9h30, la salle était pleine à ne pas respirer. Les détails d'un procès en adultère qu'on disait plein de mystères et de romanesques, le nom d'un des accusés, celui de l'accusateur, la beauté de la femme, le talent des avocats, Favas pour les prévenus, Hacheret pour la partie civile, avaient mis la ville en révolution. Heureux d'avoir dans leur mur ces deux célébrités du barreau parisien, les avocats, les avoués, les agréés, avaient organisé un banquet qui leur s'est offert à l'issue de l'audience. Aussi, depuis 8 jours, n'était-il question que de l'affaire Martel. Le président avait été assiégé de demandes de place. La salle était vaste. On avait pu contenter presque toutes les demanderesses. Jamais concert de la société maternelle n'avait réuni une aussi nombreuse, une aussi belle assemblée. Le concierge du palais avait loué des chaises à l'église pour pouvoir caser tout le monde. Les hommes marquants étaient entassés sur l'estrade derrière les fauteuils des juges et du procureur impérial. Les dames étaient alignées dans le prétoire. À 2h-3, Martel fit son entrée. Auprès de lui marchait un petit homme extrêmement blond. « Le prince de Coy, » dit un jeune avocat. Derrière eux, Favas et Tête-Vuide. On ne vit pas paraître la prévenue. Son maintien était digne. Il promena sur l'assistance un regard assuré et reconnut quelques personnes de sa connaissance. La Sabe, le sous-préfet, sur l'estrade, Lataste auprès de lui. Parmi les femmes, Madame Lataste et Madame Pigache, qui avaient fait exprès 20 lieues. Il fut heureux de ne pas apercevoir Pigache auprès d'elle. Il parut généralement fort convenable à l'assistance féminine et l'on s'accorda à trouver que ce devait être un fort agréable complice. À 10 heures, l'audience fut ouverte et le tribunal commença par expédier rapidement 2 affaires sans importance. De pauvres diables qui, détenus, parurent sur le banc correctionnel encadrés des buffleteries jaunes des gendarmes. Puis l'huissier appela la cause. Le ministère public contre, premièrement, Armande Kergomard, épouse de Maurice Berthaud, et deuxièmement, Aristide Martel, artiste peintre, demeurant au Plessis. Martel répondit seul à l'appel de son nom. Au grand désappointement du public, il fut constaté que Armande faisait défaut. Ce fut inutilement aussi qu'on cherchât des yeux le mari, son avoué et son avocat étaient seuls présents. Les conclusions prises, Favas se leva. Ceux qui étaient au courant des formalités judiciaires eurent un moment d'inquiétude. « Il va demander le huis clos, » dit un avocat à sa voisine. Jeune blonde des plus agréables. « Vous me ferez rester tout de même, mais je te dis que je le veux. » ajouta-t-elle vivement en se penchant à son oreille. Ce ne fut point le huis clos qu'il demanda, mais seulement, dans l'intérêt des enfants, que la faculté de reproduire les débats fut interdite aux journaux. Le tribunal fit droit à ses conclusions, et oui, le ministère public, qui ne s'y opposa pas, dit que, attendu qu'il était convenable qu'une trop grande publicité ne vint pas aggraver cette affaire, vu l'article 17 de la loi des 17 au 23 février 1852, les journaux français ne pourraient pas en donner la reproduction. Martel avait pu gagner presque tous les journaux de Paris, mais le journal de la localité n'avait pas voulu se rendre, espérant être reproduit par tous les autres journaux de Paris et de la province, et c'était contre lui qu'était prise cette mesure. On comptait sur l'interrogatoire, la curiosité fut trompée. En quelques mots, Martel raconta comment, à Naples, on avait cru à la mort de Berthaud, et comment, y croyant eux-mêmes, ils s'étaient mariés en Sicile. Plus tard, vous avez su que vous étiez trompé. Vous avez fait exprès le voyage de Londres pour constater de vos yeux que Berthaud n'était pas mort, et vous avez cependant continué de vivre comme si votre mariage eût été valable. Il ne lui convenait pas de parler devant ce monde de son amour et de l'amour d'Armande. Il ne répondit pas. « Vous ne répondez pas, le tribunal appréciera. » La liste des témoins n'était pas longue, le procès-verbal de flagrant délit valant mieux que tous les témoignages du monde. Hutin était au nombre des témoins. Sa déposition était des plus graves. Elle portait sur la lettre qui lui avait été remise par Maurice et sur les menaces qu'il avait faites à celui-ci. Jusque-là, les avocats avaient gardé le silence. Acheret se leva et pria le tribunal de poser quelques questions aux témoins. Le témoin est forcé à libérer? Oui. Le témoin a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour avoir assassiné un garde qui a poussé le courage du devoir jusqu'à la témérité. Un garde qui voulait me passer son couteau de chasse au travers du corps parce que je lui avais appliqué un coup de poing, oui, mais j'ai payé. Faut-il payer encore? C'est de son propre mouvement et sans sollicitation que le témoin a attendu M. Berthaud dans un chemin creux la nuit et l'a menacé de l'assassiner. On n'a pas été au bagne sans apprendre le code pénal. C'est-il le chemin creux ou bien la nuit qui disent que j'ai menacé M. Berthaud? Si c'est sans sollicitation que le témoin a fait ses menaces, qu'il nie, combien croyait-il que lui soit payée la mort de M. Berthaud? Cette déposition produisit un effet déplorable. Pour beaucoup, il fut prouvé que Martel avait voulu se débarrasser d'un mari gênant et que n'ayant pas le courage de l'attaquer en face, il avait tâché de le faire assassiner par son berger. Heureusement, celle du prince de Coy vint faire une utile diversion. Ce fut au tour de Fabas de demander que quelques questions fussent posées. On nous reproche d'avoir trompé le monde, d'avoir insulté à la dignité du mariage, en prenant la qualité d'époux légitime alors que nous savions parfaitement ne pas l'être. Est-ce en cette qualité que nous avons sollicité l'honneur d'être reçus au château de Villiers? Le prince raconta les choses telles qu'elles s'étaient passées, comment c'était lui qui avait voulu donner à M. Martel un témoignage de satisfaction et de reconnaissance, et comment celui-ci avait refusé. J'aurais cru me faire le complice d'une injustice flagrante, en ne persistant pas dans mon invitation. Continua-t-il, j'ai persisté et insisté. Vous vous seriez fait le complice de la loi, interrompit le président d'un ton sentencieux, comme s'il eût adressé une mercuriale à un jeune avocat. Monsieur et Madame Martel forment pour moi le ménage le plus honnête que je connaisse, et je regarde comme un honneur de les avoir reçus chez moi. Je m'entends mal aux choses de la loi, mais nous savons ce que c'est que l'honneur, et c'est l'honneur qui m'a dirigé dans cette circonstance. Il dit cela avec une dignité hautaine, en véritable fils des princes de Coy. Puis il vint s'asseoir auprès de Martel. C'était par les séparations de corps, les interdictions, les désaveux de paternité, les captations de testaments que Acheret s'était fait un nom et une réputation. C'était l'homme des guerres de famille. Diffus dans l'exposition, embrouillé dans la discussion, il n'avait pas de rivaux dans l'injure. Jamais un adversaire ne sortait de ses mains que ridicule ou déshonoré. Pendant une heure, Martel put se contenir, mais il eut un moment où l'indignation le souleva. Acheret faisait le portrait d'Armande, non pour l'avoir vue et entendue, elle avait eu au moins la pudeur de ne pas se montrer, disait-il, mais tel qu'il ressortait des faits de la cause. « C'est une infamie !» s'écria Martel. « Martel, asseyez-vous, » dit le président. « Je ne peux permettre. Respectez le tribunal et la liberté de la parole. C'est au tribunal seul qu'il appartient ici, de savoir ce qu'on doit permettre ou ne pas permettre. Maître Acheret, veuillez continuer. » Le prince et Fabas parvinrent à le faire asseoir. Il lui semblait que s'il avait un pistolet entre les mains, il brûlerait la cervelle à cet homme. « Vous répondrez ?» dit-il à Fabas. « Ah, je savais bien que vous y viendriez. Oui, tout ce que vous voudrez. »« Messieurs, » reprit Acheret, « je voulais vous faire connaître M. Martel, mais je n'ai plus rien à dire. Il a parlé. Vous voyez quel est cet homme qui emploie à son service des forces à libérer. Un grand artiste, je suis le premier à le proclamer. J'ai dans mon salon une toile signée de son nom, que j'admire tous les jours. Mais je ne suis pas ici pour faire de la critique d'art, c'est l'homme qui doit nous occuper. » Après cette plaidoirie, l'audience fut suspendue et l'on ouvrit les fenêtres pour respirer. Personne ne quitta sa place, on voulait entendre Fabas. Ceux qui se prétendaient bien informés avaient dit avant l'audience que la plaidoirie de Fabas serait très courte, très modérée de ton, et qu'elle se bornerait à présenter la mort simulée du mari et son absence comme excuse à l'adultère. Mais après les violences de Acheret, on ne croyait plus à cette modération. Sa plaidoirie avait produit son effet ordinaire, la guerre allait prendre un caractère implacable, le drapeau noir était arboré. Chacun sentait d'instinct qu'il fallait des représailles. « Messieurs, dit Fabas, ce n'est pas pour nous défendre que je me lève, c'est pour accuser, car mon honorable adversaire, avec son habileté merveilleuse, a étrangement déplacé la question. Je vous demande à la replacer sur son véritable terrain. On a fait des portraits, j'en veux faire un aussi. Et pour procéder comme les romanciers avant d'entrer dans l'action, posez mon personnage. » Martel croyait bien connaître Maurice. C'était lui qui avait donné les éléments de ce portrait. Sous la parole ardente et colorée de Fabas, il le vit si étrangement grandi qu'il ne le retrouva plus tel qu'il était dans son esprit. C'était bien lui cependant, mais combien plus vivant, plus vrai, plus misérable qu'il ne l'avait jamais vu. Par l'exactitude du détail, Fabas le faisait toucher du doigt. Par un mot à côté, il le faisait juger. C'était avec un âpre plaisir qu'il suivait cette parole vengeresse, et il oubliait presque qu'il était lui-même en cause. Mais c'était de courts moments de calme. Bientôt, il était brusquement rappelé à la réalité par les frémissements ou les rires de l'auditoire qui s'amusait maintenant de Maurice, comme quelques instants auparavant il s'était amusé de lui. Et puis, il y avait un bruit qui sans cesse retentissait à son oreille, qui lui disait quelle était la valeur vraie de ses paroles. Dans la bibliothèque des avocats qui touchait à la salle d'audience, on dressait le couvert pour le banquet qui allait avoir lieu, et c'était un cliquetis joyeux de vaisselle et d'argenterie. Le triomphe de Fabas fut complet. Sa péroraison s'acheva au milieu des applaudissements. Les huissiers ne purent les réprimer que parmi les avocats, ils persistèrent parmi les femmes. C'était de l'enthousiasme. On eût acclamé Armande si elle eût été présente. Martel ne s'était jamais senti si honnête homme. Le tribunal se retira pour délibérer. On entoura Fabas. Acheret lui-même vint le féliciter. « Ah, mon cher, vous nous avez joliment roulé. Vous avez eu bien tort de faire interdire la reproduction des débats. C'est pour vous que je le regrette. Jamais on n'a mieux tiré parti d'une mauvaise affaire. » Tout cela n'empêche pas que le procès-verbal subsiste, dit Hedwig. Martel l'avait oublié, ce terrible procès-verbal. Au bout d'un quart d'heure, la sonnette retentit. Un brouillard passa devant les yeux de Martel. Ce ne fut que confusément qu'il entendit les considérants. « Nous sommes perdus, » dit Fabas. « Vu les articles 336, 337 et 338 du Code pénal, » continua le président, « condamne par défaut la dame Berthaud à 2 mois d'emprisonnement, le sieur Martel à 2 mois de la même peine et à 100 francs d'amende. Et statuant sur la demande de la partie civile, condamne mon dit sieur Martel à 50 francs de dommages-intérêts envers mon dit sieur Berthaud.